Alors, le samedi 19 avril 2008, on est allé visiter, enfin visiter, c'est un bien grand mot, on est allé se promener près d'un parc d'éoliennes qui se trouve à Morlaix. Ou tout près de Morlaix, au sud-ouest de Morlaix, sous la Laxe Morlaix-Brest. Alors c'était intéressant parce que en fait je l'avais vu en faisant mon footing le matin et j'avais envie de voir de près ce à quoi ressemblait une éolienne en fait, parce que de loin ok on a l'habitude, mais de près surtout il y avait cette question du bruit de l'éolienne. Alors j'avais envie de voir de près. Alors je vais pas regretter, c'était intéressant de voir ça parce que d'abord il y avait un bon vent, ça tournait bien. Et puis il y avait, c'est un endroit où il y a 8 éoliennes quand même, donc il y a déjà un groupe significatif. Alors comment ça s'est passé? On a eu de la chance, c'était au jugé, on a fait, enfin de la chance, on a fait un grand tour quand même pour y arriver. Mais on a fini par trouver la bonne route parce qu'on n'avait pas vraiment, on avait une carte, mais on savait pas où étaient les éoliennes sur la carte. C'était vraiment au jugé. Finalement, on est tombé dessus, on a tourné un peu autour et on s'est retrouvé. On a pu se garer au pied de l'éolienne quasiment, à 100 mètres. Et on a pu surtout marcher, c'est complètement accessible, marcher jusqu'à l'éolienne. Alors d'ailleurs, on s'est garé à côté d'un poste de, a priori, Areva. J'imagine que c'est le poste de transformation. Mais je sais pas ce que ça vaut. Enfin, je sais pas. Tout est souterrain. Sans doute, à partir de chaque éolienne, mais j'ai pas vu l'endroit où partent où part le courant vers le réseau. Bon, là j'imagine que c'est pas, ça peut pas être souterrain. Il y a un moment où il faut bien que ça sorte, et ça j'ai pas vu. Bon, c'est pas très grave. Alors donc on a accédé à une éolienne. Alors elle tournait bien. En gros, c'est difficile de dire le rythme. Il y a trois pales, donc chaque pale. Alors je vais essayer de donner un peu le rythme. Toc, toc, toc, toc, toc. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, chaque pale passe à un endroit donné sur la rotation. Donc, si on veut la vitesse de rotation 360 degrés d'une balle, il faut diviser ce rythme par 3. Voilà. Alors, bon, mais ce qui était intéressant, c'est surtout le fait que, eh ben, ça fait pas beaucoup de bruit. Ça m'a frappé. En fait, il y a un léger sifflement qu'on sent dans les 20 premiers mètres, hein, en gros. Un sifflement dû plutôt aux turbines internes, hein, je pense, dû au moteur, en fait. Enfin, au moteur, oui, à l'inverse du moteur, mais enfin bon, c'est les mêmes principes. Donc, un petit sifflement, pas très agréable, mais pas du tout, enfin, pas insupportable, et puis surtout, pas très fort et limité au mètre qui entoure l'éolienne. Et puis, il y a bien sûr des bruits aérodynamiques, on va dire, de vent. Alors, on s'est mis vraiment juste dessous. Juste devant, etc. Et donc, on entend, mais c'est pas un gros bruit, et surtout, c'est insignifiant de bon, le bruit d'une voiture, par exemple. C'est un bruit de vent, quoi. En gros, un gros paquet de roseaux avec du vent qui passe dedans, ça fait autant de bruit si on est à côté du roseau ou au pied de l'éolienne, quoi. Hein. Je crois pas exagérer en disant ça. Alors, il y a eu un petit événement amusant, c'est qu'il y a eu une montée en vent au moment où on y était, donc ça s'est très nettement senti. On a un peu plus entendu les bruits aérodynamiques, pas beaucoup, mais un peu. Et par contre, le sifflement a disparu. Donc c'était assez amusant, c'était vraiment lié à un rythme de la turbine. Et donc, ça veut bien, enfin, ça veut dire que j'imagine qu'avec un bon réglage, ce sifflement, on peut s'en passer. Cela dit, bon, encore une fois, bien sûr, il n'y a pas d'éolienne, il n'y a pas une habitation à moins de des centaines et des centaines de mètres, je pense. quelques centaines de mètres. Donc là, il n'y a aucun souci. Ce sifflement n'est pas du tout perceptible, même quand il a lieu. Mais encore une fois, à un autre rythme, il disparaît carrément. Donc ça, c'était assez amusant. Et bon, comme le vent, ça soufflait pas mal à ce moment-là. Très vite, quand on est face au vent, le bruit du vent dans le pavillon des oreilles, bah, lui-même est très sensible. Donc, faut imaginer la situation. Certes, il y a un bruit aérodynamique, mais qui augmente. Mais enfin, bon. Alors, c'est difficile de le comparer en décibels à un autre bruit parce que faudrait vraiment comparer à un bruit de vent. J'irais du vent dans une forêt, à un bon vent, face à un bosquet. Difficile de comparer ça à un bruit de musique en décibels ou en... Bon, c'est très difficile. Voilà. Alors bien sûr, on avait les éoliennes étaient espacées de, difficile à dire, mais 100 mètres peut-être. Ouais, je pense au minimum quand même, ouais. Et il y avait, eh ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas du tout de, enfin, c'est logique, hein, vous me direz, mais on n'entendait pas du tout, on n'entendait pas du tout les autres éoliennes d'où on était. Voilà. Voilà, c'était juste pour me souvenir de cette expérience de l'éolienne. Alors, quant à l'esthétique, je veux bien que ce soit une affaire subjective, je veux bien que certaines personnes trouvent ça affreux, mais ça fait quand même rigoler. Ça fait rigoler devant les horreurs qu'on inflige au paysage, les bâtiments, les voitures, les routes, même les champs. Enfin bref, toutes les certes les transformations auxquelles on est habitué, du coup bon on peut les juger tout à fait normales, mais c'est pas une défiguration, c'est une véritable défiguration, une route ou un immeuble ou une maison, bon bref, une voiture qui fait du bruit en plus, qui est dangereuse, enfin bref, c'est complètement ahurissant pour moi de faire une critique esthétique. Certes, on imagine si toutes les campagnes étaient recouvertes d'éoliennes, bon, c'est pas terrible. Mais enfin, on n'a pas entendu ces personnes-là se plaindre des lignes à haute tension. C'est en général pas les mêmes qui se plaignent. C'est ça qui est intéressant. C'est pas les mêmes. Et puis, un autre aspect, c'est que avant de se plaindre d'une éolienne, je sais pas, moi, je sais bien qu'on est d'accord, l'éolien peut pas remplacer le nucléaire, évidemment, en tout cas pas comme ça, là, pas, bon, pas à moyen, pas à court terme, pas sans doute à moyen terme non plus, mais ça peut être un élément parmi d'autres. Et les gens qui critiquent l'esthétique de l'éolienne, mais voudraient-ils vivre à côté d'une centrale nucléaire? Alors finalement, c'est encore une fois la concentration de la nuisance, tant qu'on s'estime préservé. Je veux dire, on veut bien avoir 5-6 centrales nucléaires en France, et tant que ça dérange pas beaucoup de gens, mais bien sûr, la région où ça se passe, et puis en plus, ça dépasse largement le problème esthétique. Qui psychologiquement ne se sent pas un petit peu, pas forcément très à l'aise à côté d'une centrale nucléaire, même si, ok, on sait qu'en théorie, les risques sont faibles, etc. Bon. N'empêche que, en gros, avec une éolienne, on se dit pas, mon Dieu, je suis en danger à côté de l'éolienne. Alors nous, c'est d'ailleurs amusant, on s'est mis, bon, c'est pour les sensations, on s'est mis juste en dessous, donc au pied de l'éolienne, sous les pales qui nous passaient dessus comme ça. Alors c'est intéressant, juste au bout des pales, elles sont légèrement recourbées à angle droit. Très intéressant ça. Mais quelques centimètres, hein, je ne saurais pas dire combien, peut-être une vingtaine de centimètres seulement recourbés. Et bon, ça donne une. Donc on était juste au pied et c'était assez impressionnant. On les voyait passer juste au-dessus de nous, ça. Ouh, au début, ça peut légèrement troubler, c'est amusant. Près d'un ventilateur géant, c'est un petit peu impressionnant. Et en regardant ça en l'air pendant quelques secondes, j'avais perdu la notion du haut et du bas. J'avais envie de marcher sur le mât de l'éolienne pour me rapprocher des pales, voilà, c'était une sensation. Pour moi, c'était devenu l'horizontale, quoi. Alors, je ne sais pas d'ailleurs à propos des tailles d'éoliennes. Je pense que bien sûr, c'est pas les plus grands modèles, les derniers modèles, je crois offshore notamment du Danemark, qui sont très grands, je crois aussi, 100 mètres d'envergure. Là, je connais pas la hauteur de l'éolienne, je connais pas. Je vais essayer de me renseigner d'ailleurs. Voilà, bon, bah c'était juste pour répondre à la question du bruit. Bon, alors, encore une fois, l'esthétique, c'est subjectif, mais demandons-nous ce qu'on. Toutes les. De tout. Demandons-nous si on n'a pas déjà de multiples manières défigurer le paysage de plein de façons différentes avant de critiquer l'esthétique d'une malheureuse éolienne. Bon, là, 8 éoliennes, bon, voilà. Je me sens pas. On ne se dit pas, franchement, à côté de l'éolienne, on ne se dit pas quelle horreur, mais bon. Mais le beau dépend des idées, et là ça se voit, parce que les gens qui critiquent l'éolienne, ils ont les idées qui vont avec, ils ont décidé que ça ne leur convenait pas, l'éolienne. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, à l'inverse, on peut me taxer de. Voilà, moi, je trouve ça plutôt esthétique. Peut-être parce que j'aime l'idée de fournir de l'énergie sans avoir à mettre de combustible. Je trouve ça, c'est quand même assez, assez merveilleux cette idée, même si, encore une fois, c'est pas une idée qui peut à elle seule, nous fournir en électricité. C'est quand même intéressant. C'est quand même toujours ça de gaz, de pétrole à brûler en moins dans les centrales qui complètent la production nucléaire. Voilà. Voilà, bah c'est tout pour cet épisode des éoliennes.